L'édiction aura lieu à 15h à l'église de Grandbois-Saint-Pierre, suivie de l'inhumation au cimetière de Grandbois-Saint-Pierre. Réunion Première présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Dans 5 minutes, il sera midi, le journal de la rédaction Mancelin. Un petit coup d'œil sur l'agenda du jour avec de d'abord une coupure d'eau à Saint-Denis et cela concerne le secteur suivant, la route Gabriel Massé, partie comprise entre le chemin des Forestiers, le rond-point de la rivière des Pluies, la rue Boyer de la Giraudet, la rue des Mérez de Chamois, la rue Maurice Tommy et la zone Technopole. Une coupure d'eau donc qui est prévue pour demain à partir de 20h jeudi 23 juin et des perturbations dans la distribution de l'eau, sont à prévoir sur les impasses et les voies adjacentes. Et la remise en eau est prévue à partir de 5h le 24 juin, sauf incident sur le réseau. Autre coupure d'eau, cela concerne la commune de Saint-Joseph. C'est prévu pour demain sur le secteur de Matuta. La remise en eau se fera des achèvements des travaux. Autre coupure d'eau, à présent, la commune de Saint-Pierre. Et c'est à partir de ce soir 21h. Cela concerne le secteur de Dassy. Et la remise en eau est prévue à partir de 5h le 23 juin. Veolia Eau, compagnie générale des eaux, qui informe ses clients de la commune de Saint-Louis d'une coupure d'eau depuis 10h ce matin. Et cela concerne le secteur de Curpipe. Et la remise en eau est prévue à partir de ce soir seulement 19h, sauf incident sur le réseau. Collecte de sang à présent avec l'établissement français du sang de La Réunion. Aujourd'hui, mercredi, rendez-vous à la salle de conférence de Saint-Paul. C'est jusqu'à 13h, mais également au super-U de l'étang salé jusqu'à 13h. Demain, jeudi, à l'école Sacré-Cœur de Saint-Denis de 10h15 à 15h, mais aussi à la mairie du Tampon de 8h30 à 12h30. Et en fin de semaine, vendredi, à la mairie de Saint-André pour le don du sang de 8h à 13h et au géant Lachatoir le Tampon de 13h à 17h. Réunion Première. Cet espace est le vôtre. Vos communiqués, vos messages par fax au 02 62 40 68 33 ou par mail à avis@francetv.fr. Cela en dit long sur la fraternité qui règne dans ce monde. Il parle aussi de paix, signe de guerre et de larmes, de protéger nos proches comme des frères d'armes. Tout ça ils le savent. Balade de charme, rafale de larmes, ravage de balles. Mais tout ça ils le savent. Tout ça ils le savent. L'État bombarde, protège la garde, il a rabarre, il en est là. Ils parlent d'emploi, ils parlent chômage. Je ne comprends pas leur charge. Trop de poids, trop de bagages. Je l'entends toujours parler. Je nous vois toujours en pavé. Ils sous-doigts, je prends le pavé. Trop de passe-droits, c'est moi le douanier. Trop d'égo trip dans le RAP. Je voulais juste partager, c'était la base. Ils l'ont noyé, attrape la baie pour ne pas couler. Entre la baie et le large, les vrais et les lâches. Les traits et les pages, les C et les clashs. Trop de compteurs, trop de tensions électrique et le monde. Entre vérité et mensonge, honnêteté et trahison. Incarcéré en prison ou libre, illusion. Tous les jours en contradiction, même sans souper l'addition. Entre blessures et souffrances, problèmes et petits soucis. Tolérance et différence, les thèmes ont des sosies. Premier lever, dernier coucher, dernier soupir pour ne plus se lever. Je garde espoir pour combattre le mal, ignore le mal pour être parle bien. D'unité, cela en dit long sur la fraternité qui règne dans ce monde. Il parle aussi de paix, signe de guerre et de larmes. Protéger nos proches comme des frères d'armes, tout ça ils le savent. Balade de charme, rafale de larmes, ravage de balles. Mais tout ça ils le savent. Tout ça ils le savent. L'État bombarde, protège la garde, il a rabarre, on en est là. Textes conscients sont de drogués. Test le son sans négocier, zeste de sens à proposer. des choses à dire mais des fois faut se taire. J'ai dit un truc, j'ai dit le contraire, mais qui est l'actionnaire? Au fond gère dans un système révolutionnaire, dirigé, contrôlé même par des soumissionnaires. Entre les rancœurs et les rengaines, les lovers qui nous ramènent, les bars tours de Babel, cauchemar ou putain de rêve. Sans contrat, sans condition, sans mandat, sans exécution, influent ou transparent, dernière action, premier plan. Magie noire et sorcière blanche, participant en bulletin de blanc. Ils n'entendent pas les chants de pleurs, ils vivent dans des champs de fleurs. C'est quoi mon champ d'action? Et là jamais en détention, sans show ou en slow motion. Sans show, fais pas d'émotion. Agressif, excessif, l'exécutif. En temps normal, les poches sont vides. En temps de crise, j'irai que j'ai même plus de kills. Ils parlent d'unité, cela en dit long sur la fraternité qui règne dans ce monde. Ils parlent aussi de paix, signe de guerre et de larmes, de protéger nos proches comme des frères d'armes. Tout ça, ils le savent. Balade de charme, rafale de larmes, ravage de balles. Mais tout ça, ils le savent. Tout ça, ils le savent. L'État bombarde, protège la garde, il a rabarde. Ils parlent d'unité, cela en dit long sur la fraternité qui règne dans ce monde. Ils parlent aussi de paix, signe de guerre. Bonne fin de matinée avec la première. À midi et quart, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et Chloé jusqu'à 15h. Il est midi à La Réunion. Le journal de la rédaction, Bruce Réjean. Bonjour Bruce. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Début des deux éboulements nocturnes successifs sur les rampes de Basse-Vallée, à personne en dessous. À ce moment-là, heureusement, mais des complications de circulation importantes dans le sud et du stress pour les candidats au bac, dont c'était le trajet quand on ne peut pas faire le tour. Acheminement d'urgence, on passe par-dessus en hélicoptère. La campagne sucrière débute lundi prochain dans le Nord. La date vient de tomber. Le cumul des mandats, bientôt l'heure des choix pour certains élus. Pour Michel Fontaine, ils étaient moins cornéliens que pour Thierry Robert. Réfléchir aussi sur le don d'organes à la CGSS à Saint-Pierre comme à Saint-Denis. On informe le public aujourd'hui. Dans le même temps, des journées de dépistage du diabète sont aussi organisées jusqu'à samedi dans les centres commerciaux du Nord et de l'Ouest. Et puis, pas la moindre inquiétude physique ou morale. Tout va toujours très bien. On prendra en fin de journal des nouvelles de la santé de Dimitri Payet, c'est important. Réunion première, Bruce Réjean. Cette dernière journée des épreuves du bac, ils s'en souviendront. Pas pour les sujets, pas pour l'épreuve en elle-même, mais parce qu'avant de composer, ils ont eu droit à un baptême de l'air. Impossible d'aller de Saint-Philippe à Saint-Joseph ce matin. Deux éboulements dans les rampes de Basse-Vallée ont coupé la route. La mairie a donc employé les grands moyens pour préserver l'essentiel, le passage des examens. Des convois aériens ont été organisés. Et Pierre Comorassamy, on peut dire que se faire déposer au bac en hélicoptère, c'était la classe. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre ce matin dans les cases de Saint-Philippe. Les candidats au baccalauréat ont pour le coup dû se réveiller un peu plus tôt que prévu. Certains en panique. On a regardé sur Facebook, les passer, la famille téléphonait, tout le monde téléphonait avec tout le monde et les messages passaient vitement. Grâce aux réseaux sociaux, ouais. Après par la radio aussi. Déjà, il fallait se réveiller plus tôt, on n'a pas pu prendre un petit déjeuner. Mais très vite, le stress et l'inquiétude laissent la place au soulagement et à la joie. Quand j'ai vu qu'il y a des moyens qui ont été mis en place, ça m'a tout de suite rassurée. Une bonne surprise, c'était bien. Hein. Un petit baptême d'hélicoptère avant la dernière épreuve du bac, c'était bien. Bah, c'est super. Très content, première fois pour l'hélicoptère, baptême. Et c'est une grosse émotion d'avoir pris l'hélicoptère pour se rendre au lycée. C'était très bien. Dès 7h30, la trentaine de candidats se regroupent à Basse-Vallée où deux hélicoptères les transportent jusqu'au stade de Langevin. Deux bus les conduisent ensuite à leur centre d'examen. Les élèves, unanimement, saluent l'initiative de la mairie. C'est pour des bonnes mesures pour pouvoir nous envoyer au lycée, et c'était très bien. C'est une bonne chose que la mairie prenne en main quand il y a des difficultés qui se présentent. Imaginons se faire le tour de l'île pour faire le bac. C'est un petit peu dur le grand matin. Cette dernière journée du bac, avec cette balade en hélicoptère, les candidats de Saint-Philippe ne sont pas prêts de l'oublier. Oui, alors ce matin, de très bonne heure, c'était donc un peu la galère pour circuler dans le secteur. La faute à ces deux éboulis qui obstruaient le passage, près de 50 mètres cubes, 100 à 150 tonnes tombées de la paroi. Ensuite, les équipes de la DRR sont intervenues et ont rétabli une circulation au compte-gouttes avant de traiter la falaise. Mais vous allez l'entendre, les cordistes sont encore en opération. Et d'après Johnny Mézineau de la Direction Régionale des Routes, les coupures vont être très régulières jusqu'en milieu d'après-midi. Nous avons pu effectuer donc un dégagement partiel de la chaussée commencé vers 7h30 ce matin, donc pour permettre un passage en mode dégradé, c'est-à-dire véhicule par véhicule au droit de la zone d'éboulis, puisque la paroi donc en cause nécessite des travaux de purge, comme vous pouvez le constater. Donc voilà, à l'instant. Alors ce chantier de purge donc, va se dérouler avec des phases de micro-coupure de l'ordre de 45 minutes, donc en moyenne, pour permettre effectivement donc, aux cordis de travailler dans de bonnes conditions, se positionner, identifier les blocs instables et donc les faire tomber. Donc ensuite des phases de dégagement de la chaussée au bout de 45 minutes pour permettre aux véhicules bien évidemment de passer. Et à nouveau donc 45 minutes de micro-coupure, donc cela jusqu'à, je pense aujourd'hui, jusqu'à au moins 16 heures. Johnny Mézino de la DRR, que Pierre Comor Assami a donc interrogé ce matin quasiment sous la menace de la falaise. Une nouvelle affaire de violence conjugale examinée aujourd'hui par les assises de La Réunion. La Cour revient sur des faits qui datent du 2 août 2014. Denis Latra, 40 ans, est accusé d'avoir ce jour-là sauvagement agressé son ex-concubine. Des faits qu'il a reconnus. Il comparaît pour tentative de meurtre sur conjoint. Ce matin, Nadine Bachelot, éclairage sur les deux protagonistes de l'affaire, l'accusé et aussi sa victime. Oui, Bruce, c'est une femme traumatisée qui se trouve sur le banc des parties civiles. Une femme de 33 ans qui revient de loin, on peut le dire. Ce 2 août 2014, vous l'avez dit, elle s'est vue mourir sur la berge de la rivière Langevin. Elle ne doit sa survie qu'à l'intervention d'une tierce personne. Coup de couteau à la gorge, la tête maintenue sous l'eau, jet de galet sur le crâne. Marie-Danielle Azid raconte son calvaire qui s'est déroulé sous les yeux de ses enfants. Le couple était séparé depuis 4 mois. Une séparation due justement aux violences régulières de son concubin. Quand ils se sont rencontrés, elle avait 13 ans, lui 19 ans. Et très vite, les brutalités ont commencé. Denis Latra, 40 ans, reconnaît les faits et leur gravité. Et surtout, il l'a redit ce matin, l'intention de tuer la jeune femme. Un geste incompréhensible, d'autant qu'il n'avait rien à reprocher à Marie-Daniela, dit-il. Il met sa violence sur le compte de l'alcool et surtout le fait qu'il n'acceptait pas la séparation et son refus de se marier avec lui. Aujourd'hui, il regrette son geste. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour cette tentative de meurtre sur conjoint. Nadine Bachelot en direct de la cour d'assises. Hier, cette même cour a condamné Joël Hérault à 10 ans de prison, 2 de plus que la peine réclamée par l'avocat général. L'homme a été déclaré coupable de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'était au cours d'un cambriolage en 2014 à Saint-Paul. Maurice Épart, la victime, avait été tuée de plusieurs coups de pied. Réunion première midi, 7 minutes demain. Lors de l'assemblée plénière, il démissionnera de son poste de vice-président de la région. Michel Fontaine, le sénateur maire de Saint-Pierre, doit se mettre en règle avec la loi sur le cumul des mandats. Maintenant que l'élection régionale est validée par le Conseil d'État, des élus qui étaient en position de cumul vont devoir choisir. Thierry Robert est donc dans le même cas. Lui aussi doit abandonner un de ses mandats. Sauf que pour le député maire de Saint-Leu, les enjeux sont différents. Et du coup, Sophie Persson, sa décision sur le siège qu'il laissera est encore en train de mûrir. Si Michel Fontaine a vite annoncé qu'il abandonne son mandat de vice-président à la région, ça n'a pas été une surprise. Sa présence sur la liste de Didier Robert, c'était surtout pour marquer la solidité de la plateforme de l'Union de la droite. Mais il y avait peu de doutes sur le choix du sénateur-maire de Saint-Pierre après l'élection. En revanche, pour Thierry Robert, c'est différent. Lui aussi doit faire un choix, mais il est beaucoup plus discret sur ce qu'il va faire. Depuis les régionales, il est très présent et virulent dans son opposition à Didier Robert. Il communique régulièrement, quasiment à chaque commission permanente. Et il a inauguré il y a peu une permanence à Saint-Denis. Alors abandonner son mandat de conseiller régional dans ces conditions, c'est un peu délicat, d'autant que la région reste un objectif pour lui. Quitter la mairie de Saint-Leu, ça paraît improbable. Reste donc éventuellement son mandat de député à l'Assemblée nationale, qui lui donne certes une visibilité nationale, mais ce n'est pas ça qui l'aidera à conquérir la région. Enfin, une dernière option pour Thierry Robert, dénicher un truc juridique auquel personne n'avait pensé avant, pour conserver encore un peu ses 3 mandat. Le début de la campagne sucrière, on connaît depuis quelques minutes la date de début de campagne donc pour le Nord et l'Est. Planteurs et usiniers étaient ce matin en réunion à ce sujet. Les premières livraisons auront lieu lundi prochain, le 27 juin. Les coupeurs ont déjà affûté leurs outils et commencent à donner les premiers coups de sabre. Ils doivent aussi régler leur situation administrative. Et ce sera le sujet de C'est dans l'actu juste après ce journal avec Philippe Dornier. Du sucre développement économique, on passe au sucre parfois problème de santé. Objectif 1500 dépistages du diabète entre aujourd'hui et samedi. C'est la cinquième édition de l'opération Diabète Tous Concernés qui se déplace avec son bus devant les centres commerciaux avec une équipe d'infirmiers pour effectuer les tests. Avant Saint-Paul, Le Port et Sainte-Marie, l'association Santé en Entreprise a donc commencé ses tests aujourd'hui devant la grande surface de Sainte-Clotilde. Éric Maville, le directeur de l'association, explique que c'est l'une des meilleures stratégies pour permettre au public à risque de bénéficier de dépistages réguliers. L'objectif qu'on se fixe, c'est de permettre à toute personne qui le souhaite et qui est à risque d'avoir un diabète, soit parce qu'elle a des antécédents dans la famille, soit parce qu'elle a des facteurs de risque liés à son âge, à sa situation personnelle, de pouvoir avoir un dépistage du diabète gratuit et rapide. Alors pourquoi ces dépistages à proximité ou dans les grandes surfaces? C'est stratégique tout d'abord des lieux comme ça, puisque que ce soit les grandes surfaces, les marchés ou les places publiques, c'est là qu'il y a le plus grand passage et donc ça nous permet de toucher le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a décidé cette année de cibler les centres commerciaux du Nord et de l'Ouest. Ouais, mais le Sud et l'Est ne seront pas oubliés. Il y aura une campagne du bus diabète dans ce secteur du 12 au 16 novembre prochain. Éric Maville, directeur de l'association Santé en Entreprise, répondait à Delphine Poudroux. Grâce au don d'organes, il vous est aussi possible de sauver des vies. Il est essentiel de le rappeler à l'occasion de la 16e journée nationale de réflexion sur le don d'organes. C'est aujourd'hui et dans les locaux de la Sécurité sociale de Saint-Denis et de Saint-Pierre, le personnel de santé a sensibilisé et informe le public. La population doit décider si elle est pour ou contre le don. Et surtout, il faut en parler aux proches, insiste Henri Séry, qui est en charge de la coordination don d'organes. Notre grosse difficulté souvent, quand on est confronté au problème, c'est de savoir quelle était l'opinion de la personne, du défunt, sur le don d'organes. Et à La Réunion, vous pensez que ça, c'est pas systématique encore? Il faudrait que ça devienne systématique, le don d'organes? Oui, il faudrait que ce soit beaucoup plus systématique, puisque la demande est beaucoup plus élevée à l'heure actuelle. Il y a très peu de donneurs par rapport aux nécessités du terrain, donc oui, il faut sensibiliser. Les gens ne sont suffisamment pas conscients du problème, n'ont pas pris de position sur le don d'organes. Donc il faut vraiment y aller pour pouvoir faire mener cette réflexion sur le terrain au quotidien. Henri Séry, cadre de santé chargé de la coordination don d'organes, répondait à Suzette Emma. Les sports avec la suite de l'Euro de football, même si on peut toujours penser à la suite, faire des plans sur la comète. Pour l'instant, l'équipe de France n'a qu'un seul horizon, c'est Lyon. Et le match de dimanche, le 8e de finale, qui se jouera en principe contre un adversaire à la portée des Bleus. En fonction des résultats de ce soir, ce sera l'Irlande du Nord, la Belgique, la Suède ou l'Air. On sera fixé la nuit prochaine. Une chose est sûre, le staff tricolore et les supporters comptent sur Dimitri Payet. Des attentes qui ne perturbent pas l'attaquant pays. Il se dit en tout cas plutôt tranquille, Martin Baumer. Depuis le premier match contre la Roumanie, Dimitri Payet a pris une autre dimension aux yeux des Français. Et cette évolution ne lui pose aucun problème. Il dit l'avoir déjà vécu cette année avec son club de West Ham. Ça veut dire qu'on a confiance en moi et qu'on attend des choses de moi. Et pour moi, ça, c'est très important. Important au point de lui donner une certaine confiance en lui et ainsi d'améliorer encore ses performances. Et cela sans aucune pression négative. Je reviens de très loin, je pense qu'il y a quelques mois, je ne m'imaginais pas être ici, et encore moins être sur le terrain, donc j'ai envie de profiter de ça. Ça serait inutile et bête de gâcher tout ça en se mettant une pression inutile. J'ai envie de profiter, de m'éclater sur le terrain, donc la pression pour l'instant, elle n'est pas sur moi. S'il n'imaginait pas être dans le groupe de Didier Deschamps il y a encore quelques mois, Dimitri Payet a conscience du chemin parcouru depuis son retour à 16 ans à La Réunion. Déjà en rentrant du Havre, en rentrant à La Réunion, j'avais tiré une croix sur le fait de revenir évoluer en France. Donc bien évidemment que non, je ne pensais pas être là aujourd'hui. Mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir une seconde chance. Et avec beaucoup de travail, je me retrouve ici aujourd'hui. Avec, assure-t-il, son année en Angleterre dans un championnat qui l'a rapproché du niveau international. Ouais, rapproché, ça c'est la version modeste, car il est plutôt aujourd'hui dans le haut de ce niveau international. Midi et presque 14 minutes sur Réunion Première, l'heure de faire le tour de l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de France Info. C'est D'abord, la préfecture de police de Paris, on le disait, qui décide d'interdire la manifestation contre la loi travail prévue demain à Paris, faute d'accord avec les syndicats à qui la préfecture demandait d'organiser un rassemblement statique. C'est donc une interdiction. Malgré cela, Éric Coquerel du parti de gauche ira tout de même manifester si les syndicats maintiennent la mobilisation. Il évoque un déni de démocratie. Marine Le Pen du Front National dénonce de son côté une atteinte grave à la démocratie. La CGT, Force ouvrière, demande à être reçue le plus vite possible par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Contre la loi travail et pour des revendications internes, la grève à la SNCF, le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, assure ce matin que le mouvement a coûté à ce jour au moins 250 millions d'euros à l'entreprise. La grève des pilotes d'Air France, elle, n'aura pas lieu. Les pilotes de la compagnie ont décidé de suspendre le mouvement prévu le week-end prochain. Et puis l'Euro de football, 4 matchs encore aujourd'hui à 18h, Hongrie-Portugal, Islande-Autriche et puis à 21h, Italie-Irlande, Suède-Belgique à suivre en direct sur France Info. France Info. L'info revient à 13h. Et à midi et quart, on accueille Chloé et Philippe Dornier. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour, Bruce. Bonjour à tous. Alors, on évoquait dans le journal le début de la campagne sucrière. Hein, c'est une info Réunion Première qu'on vient d'avoir. Ce sera lundi, le 24 juin. On va y revenir, Philippe, avec les invités de C'est dans l'actu. Vous vous intéressez au coupeur de canne ce midi. Oh oui, une denrée plutôt rare, Bruce, pour plusieurs raisons. On le verra, la crainte de perdre les minima sociaux, notamment. C'est pourtant pas forcément le cas, loin de là. Posez toutes vos questions au 02 62 80 19 2000, aussi bien sur les droits des coupeurs que sur les obligations des planteurs. Début de la campagne, donc lundi 27. Réunion Première, Philippe Dornier. Dolène de la direction régionale des routes nous a rejoint sur Réunion Première pour un point circulation. Bonjour Dolène. Bonjour à tous. Alors on peut dire que du côté circulation, ça se passe plutôt pas mal. Pas de bouchons à vous rapporter sur le réseau routier national. Vous avez des conditions de circulation très correctes. En revanche, eh bien, je vous rappelle ces travaux de purge qui sont en cours dans les rampes de Basse-Vallée et cela nécessite des coupures de la circulation de 45 minutes. Donc patience à vous qui êtes dans l'attente de la réouverture. Donc voilà, je vous tiendrai bien sûr informé de quand cette route sera totalement rendue à la circulation. Voilà tout, bon appétit et bon après-midi. Les inforoutes, c'est sur Réunion Première. La météo pour cet après-midi avec une bande nuageuse qui s'attarde encore sur l'est de la Réunion mais sans occasionner de pluie. Ailleurs, c'est du beau temps, du soleil qui permet aux températures de grimper rapidement, nous faisant oublier la grande fraîcheur de ce matin. Cet après-midi, des nuages de pente qui se développent sur le relief mais qui restent discrets au-dessus de 1500 mètres en altitude soleil. De belles éclaircies le long des plages et également du côté de Saint-Leu. Le vent d'est-sud-est va faiblir avec des rafales autour de 40 à 50 km/h sur Saint-Denis et Saint-Pierre, avec une prédominance de brise sur les plages de l'ouest. La mer est peu agitée, localement forte déferlement de la houle de sud-est voisine de 2 mètres. Elle déferle de l'étang Salé à Chamborne en passant par Saint-Joseph. Une mer croisée sur le littoral sud et sud-ouest avec une petite pointe de sud-ouest. Première. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. Et la fraîcheur. Faites-le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Il fait plaisir à voir à vous préparer un bon carry, mon chéri. Oui, un carry, il faut préparer un lit. Vous connaissez une retraite aussi. On a bientôt 62 ans. Il faut regrouper de papier dès maintenant. Les pas automatiques ? Non, il faut vous déposer votre dossier retraite complet 6 mois avant la date prévue. Au moins, vous serez sûr d'être payé dans les temps. Un conseiller retraite CGSS, il peut aider à vous. Futur retraité, pour bénéficier de votre retraite dans les temps, contactez le 3960 et déposez votre dossier complet 6 mois avant votre départ. Service 0,06 centimes d'euros la minute plus prix d'un appel local. Première. 12h18 sur Réunion Première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Coupeur de canne, pourquoi se déclarer ? La campagne sucrière débutera lundi dans le Nord et l'Est, lundi 27 juin, information Réunion Première, le 11 juillet dans le Sud et l'Ouest. Objectif affiché, se rapprocher des 2 millions de tonnes de canne. L'année dernière, le compteur est resté bloqué à 1 900 000 tonnes. Pour parvenir à une telle récolte, il faut des bras, beaucoup de bras, et c'est de plus en plus difficile à trouver. À La Réunion, le travail est particulièrement pénible, c'est une première raison, et surtout, les coupeurs de canne ont peur de devoir renoncer aux prestations auxquelles ils ont droit habituellement, comme le RSA par exemple, d'où le recours au travail au noir. Comment pourtant être déclaré, c'est bénéficier de nombreux droits, lesquels précisément? Les avantages sont-ils plus nombreux que les inconvénients? La mécanisation peut-elle remédier au manque de main-d'œuvre? C'est dans l'actu sur Réunion Première. Midi 13h, c'est dans l'actu. Philippe Dornier. Avec vos questions au 02 62 99 2000, vos textos au 06 92 608 335 et puis les réseaux sociaux pour les questions également, la page Facebook c'est dans l'actu et le hashtag CDLA première pour Twitter. Avec nous ce midi Jean-Christophe Zéphir de la Chambre d'agriculture, bonjour. Bonjour Philippe Dornier. Vous y êtes juriste, chef de projet emploi plus précisément, et c'est vous qui avez mis au point un dépliant dont on va parler, un dépliant pour inciter employeurs et employés à ne pas travailler au noir, justement. Fabrice Fontaine, bonjour. Bonjour. Vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Et puis on attend Frédéric de Bayancourt qui devrait nous rejoindre d'un instant à l'autre. Il est chargé de la filière canne à la DAF, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. 24 000 hectares de parcelles de canne à La Réunion, c'est la surface connue. Combien de coupeurs de canne officiellement? Alors, officiellement, je ne pourrais pas vous avancer de chiffres parce que, tout simplement, il n'y a pas d'études aujourd'hui qui peut donner des chiffres fiables sur le nombre de coupeurs de canne sur l'île. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est qu'on a à peu près 3200 ouvriers agricoles, dont les saisonniers, qui vont œuvrer pour la canne à sucre. 1200 ouvriers agricoles pour non, cette... 3200, pardon. Ce sont des chiffres que j'ai trouvés qui datent d'une étude qui ont été réalisées en 2010. Alors, quand vous dites 3200, ce sont des coupeurs de canne uniquement? Non, ce sont des ouvriers agricoles. Donc, vous avez tous les ouvriers agricoles qui travaillent autant dans le maraîchage que dans d'autres cultures, dans l'élevage, etc. Et dans ces 3200, vous avez également les saisonniers qui sont employés pour la canne à sucre. Voilà. Mais pas de précision sur le nombre de coupeurs de canne? Non. Vous avez une idée sur le chiffre qu'on pourrait donner, Fabrice Fontaine? Comme l'a dit Jean-Christophe, c'est un petit peu difficile d'évaluer parce qu'il y a quand même pas mal de planteurs qui coupent les cannes eux-mêmes. Donc il faudrait faire un petit peu rata avec les producteurs qui avoisineraient les 800 tonnes à 1000 tonnes à peu près et voir pour trouver plus juste le nombre de coupures de canne qu'il y a à La Réunion. Il faudrait déjà connaître le nombre d'exploitations, peut-être. Le nombre d'exploitations est connu. Hein. On a, on va dire, à peu près 7600 exploitations à La Réunion, ce qui nous donne 7800 chefs d'exploitation et co-exploitants, dont 1269 femmes. Hein. Et puis, il y a aussi les aides familiaux, parce que dans certaines exploitations, on travaille beaucoup en famille. Donc, il n'y a pas forcément souci de main-d'œuvre dans beaucoup d'exploitations. C'est difficile d'établir des statistiques fiables dans ce domaine, Jean-Christophe Zéphir. Oui, c'est difficile parce qu'il nous faut travailler avec beaucoup d'organismes. Par exemple, les statistiques que je vous ai données sur les 3200 ouvriers agricoles déclarés, ce sont des statistiques URSSAF qui ont été données en 2009-2010. Et ces statistiques ont été basées sur le nombre d'ouvriers déclarés en fonction du code NAF, le code d'entreprise, qui définit l'activité de l'entreprise, voilà. Et donc déjà il y a ce premier paramètre, et ensuite c'est un chiffre qui a été pris sur un trimestre, sur une déclaration trimestrielle qu'on fait à l'URSSAF. Donc il peut avoir beaucoup plus de salariés au début, un peu moins à la fin, beaucoup plus sur le trimestre suivant, etc. Donc ça ne colle pas entièrement sur la période de la coupe de la canne, donc c'est assez difficile à quantifier, oui. Et ça, vous le vivez bien, le fait de pas avoir de chiffres vraiment fiables, Fabrice Fontaine, pour évaluer un petit peu les besoins, etc. C'est sûr que quand il n'y a pas de personnel qualifié demandeur d'emploi en face, on a du mal à trouver les chiffres qui correspondent. Mais cela dit, les coupeurs de canne, il y en a, mais il y en a de moins en moins. Et c'est devenu problématique depuis ces dernières années de trouver qu'ils veulent vraiment couper des coupeurs de canne performants. C'est ce que nous, en tant qu'agriculteurs, on recherche. C'est des coupeurs de canne qui puissent nous assurer notre livraison, notre quota hebdomadaire à livrer à l'usine. Et on ne peut pas se permettre sur toute la campagne de payer du quota. C'est quoi le quotidien d'un planteur de canne, d'un coupeur de canne? À quoi ressemble une journée de travail? Ben, le coupeur de canne, c'est se réveiller de bon matin, aller couper la canne jusqu'à ce qu'il fasse... il fait pas trop chaud en général. Hein. Alors grand matin, c'est... Ah ben, y a certains qui commencent à 4 heures avec des lampes frontales. Et il y en a qui aménagent leur journée, qui coupent un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi. Et ils s'organisent un peu en fonction du climat et de l'ensoleillement aussi. Il y a des horaires à éviter? Ah ben surtout les horaires, on va dire 10h30 et 1h30, 2h de l'après-midi, où le soleil tape plus fort. Est-ce qu'il y a des conseils aussi à ce niveau-là, au niveau de la Chambre d'agriculture, pour les planteurs, pour pouvoir supporter les conditions de travail? Mais évidemment oui, parce que donc l'agriculteur, il se trouve être un chef d'entreprise comme les autres, donc il est amené à employer du personnel et il doit respecter toutes les règles relatives à la sécurité au travail. C'est évident, et on travaille là-dessus, on sensibilise les employeurs sur les documents obligatoires, sur le nombre d'heures maximales à la journée par exemple, et aussi on le sait, le travail dans la canne à sucre, c'est un travail qui est pas facile, qui est pénible. Donc je pense que les employeurs sont d'autant plus sensibilisés dans ce domaine-là. Alors finalement, c'est quoi les principaux obstacles pour trouver de la main-d'œuvre? Alors, il y a, comment dire, je dirais que les obstacles sont doubles. C'est-à-dire que d'un côté, on a les salariés, la main-d'œuvre agricole, qui souvent bénéficient de minima sociaux, que ce soit RSA ou ARE, donc les anciens ACEDIC, et qui ont peur de perdre ces minima sociaux. Et de l'autre côté, vous avez, le planteur de canne, l'agriculteur, qui pour lui la main d'œuvre vient cher. Embaucher un salarié aujourd'hui, ça coûte cher. Et donc le travail de la Chambre d'agriculture, c'est d'essayer de concilier ces deux points de vue et d'essayer de trouver une solution à un endroit où on pourrait se retrouver, quoi. D'accord. Et le problème, vous le constatez de la même façon, Fabrice Fontaine? C'est les mêmes obstacles que vous souligneriez? Non, l'obstacle que je vois, c'est plus au niveau du type de contrat. C'est un contrat à l'heure, or que traditionnellement, la coupe de canne, c'est un travail à la tâche et non pas à l'heure. Donc ça freine un peu la signature des contrats au final. D'accord. Et c'est le montant lui-même qui pose problème? Non, le montant, non. C'est la justifier, encourager le coupeur de canne, quoi. Parce qu'ici, il est à l'heure, il n'aura pas le même rendement qu'à la tâche, à la tonne. D'accord. On peut donner deux exemples concrets pour comparer, par exemple? Ah, ben, si il est payé à l'heure, SMIC horaire, on va dire, on va arrondir à 10 euros, 9,66. Or, qu'en une heure, il pourrait couper. Il pourrait couper facilement une tonne à une tonne 5, à 15 euros, le calcul est vite fait. On va accueillir Frédéric de Bayancourt qui nous rejoint à l'instant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de la filière canne à la DAF, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. On va vous laisser reprendre votre souffle parce que vous venez d'arriver, vous êtes un petit peu essoufflé. Sur les revenus des planteurs, quels sont les montants qu'on peut indiquer, Jean-Christophe Zéphir? Ça va dépendre, si vous voulez. Je vais juste ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit le représentant des JA. Je vais juste ajouter quelque chose. Les JA, ce sont les jeunes agriculteurs, le syndicat jeunes agriculteurs. Voilà. C'est-à-dire que le contrat saisonnier tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est un CDD. Donc, c'est un CDD spécifique pour le télétravaux saisonnier en agriculture ou dans d'autres domaines qui peuvent exister, où il peut exister des travaux saisonniers. Donc, en agriculture, effectivement, le saisonnier est payé à l'heure effectuée. Souvent, on a cette remontée du terrain qui dit que oui, mais ce serait beaucoup mieux si on pouvait payer les gens à la tâche. Bon, j'entends, enfin, nous entendons, mais le problème, c'est que le travail à la tâche est interdit en France par nature. Donc, on pourrait réfléchir à une solution. De toute façon, il va falloir que le salarié soit payé en fonction des heures qu'il a fait sur l'exploitation. C'est la loi, on ne pourra pas y déroger. Par contre, on peut réfléchir à d'autres solutions. Comment faire pour motiver la main-d'œuvre, c'est-à-dire pour qu'ils aient envie de couper plus de tonnes, parce que ce qui revient aussi, c'est-à-dire que un salarié qui va être payé à l'heure, il va avoir tendance peut-être à traîner le plus d'heures possible pour être le plus payé, à couper le moins de tonnes de canne. Voilà ce qu'on peut entendre aussi. Alors peut-être un système de primes mis dans un contrat saisonnier, qui est tout à fait autorisé par le Code du travail, pourrait éventuellement répondre à cette question-là. Voilà. Oui, il y a cette problématique. Frédéric de Bailliencourt, justement, le travail à la tâche, le travail en fonction du nombre d'heures, comment on peut gérer ça? Juste un petit aparté auparavant sur les revenus des planteurs, en disant qu'au niveau de la DAF Réunion, donc Direction de l'Agriculture et de la Forêt, nous avons les données donc statistiques du RICA, hein, avec des échantillons de planteurs. Les statistiques du? Du RICA, hein, c'est-à-dire RICA. Bon, écoutez, j'ai plus le sigle en tête, mais voilà. C'est un registre. C'est les données du service statistique, hein, d'accord, de notre direction. Et ensuite, donc nous réalisons actuellement quelques travaux complémentaires. Donc je parle plus des revenus globaux, mais cela dit, on pourra voir dans ces éléments quel serait l'impact d'un emploi agricole, d'éventuelles aides, etc. Et donc nous réalisons un travail actuellement d'enquête complémentaire au niveau de la récolte de données assez récente, hein, de l'année dernière. On prépare l'avenir de la filière. On demande objectivement un certain nombre d'éléments aux planteurs un petit peu partout dans l'île. Donc un enquêteur de la DAF qui travaille aussi avec le CTICS et l'interprofession est chargé de ce travail et donc est en train de le réaliser pour avoir d'autres éléments. D'accord. Voilà. Donc pour revenir à la question, oui, sur le registre. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autre réponse que celle donnée par mon collègue, hein, effectivement. Hein, pour le moment, il faut consentir à nos dispositions légales. On entend les remontées du terrain. On va essayer de s'en faire écho au plus possible, en sachant que pour le moment, effectivement, on est tenu par les dispositions législatives. Voilà, donc je pense qu'effectivement, il faut essayer de faire évoluer les choses progressivement avec un système de primes d'objectifs, comme ça a été évoqué, et d'un autre côté, les aides au contrat qui existent actuellement, par exemple sous forme des CIE, un contrat initiative emploi. C'est quelque chose que vous observez, Fabrice Fontaine, la personne qui est volontaire pour couper la canne est payée en heures, elle va essayer de faire davantage d'heures et ce sera peut-être moins rentable? Ah ben c'est vrai que si au lieu d'être payé à la tonne, il est payé à l'heure, il n'y a pas besoin d'être trop devin pour voir qu'il va, je dirais pas tout, 50, plus de 100%, pas les 100% des coupeurs vont faire ça, mais là, vu le contexte actuel, vu comment le métier de coupeur est vu, et ce ne sera pas motivant pour lui de travailler à l'heure. D'accord, donc le planteur, le coupeur préfère être payé à la tâche. Ah, le coupeur préfère être payé à la tâche, c'est sûr, oui. Est-ce que les avantages, je posais la question d'introduction, est-ce que les avantages sont plus nombreux que les inconvénients? Alors on peut prendre point par point, déjà pour le salarié, voilà. Oui, alors, juste pour répondre à votre question d'avant, à savoir combien toucherait, j'arrête pas de le faire, mais... Je pose trop de questions. Non, pas du tout, mais juste pour revenir, parce que c'est important, pour répondre à votre question d'avant, un coupeur qui travaille en moyenne 80 à 60 heures par mois, va toucher entre 500 et 600 euros net. Voilà. Donc effectivement, c'est pas énorme, mais après vous savez, c'est du travail saisonnier, c'est-à-dire qu'on a besoin de main d'œuvre à un moment T, et voilà, donc on paye en fonction du travail qui est fourni et qui dont on a besoin. Donc c'est ce que peuvent donner les exploitations aux coupeurs. Ensuite, pour revenir sur ce que disait le monsieur de Bailliencourt, il y a donc la prime dans le contrat, c'est une piste, voilà, c'est une piste de réflexion, mais voilà, on en discute encore. Voilà. Et sur les inconvénients et les avantages de chacun, ben, je dirais que On peut raisonner en termes d'inconvénients et d'avantages, mais c'est pas le point de vue le plus approprié. C'est-à-dire que c'est déjà pour le planteur de canne, l'agriculteur, c'est sécurisant. C'est sécurisant de déclarer son salarié pour lui, parce que c'est la loi, il est dans les clous. C'est juste parce que c'est la loi ou il y a de réels avantages? C'est ça qu'ils veulent savoir les employeurs. S'il y a des avantages aujourd'hui à embaucher un coupeur de canne, je vous dirais non. Voilà, concrètement. Pourquoi? Parce que on embauche un salarié, on doit payer ce salarié, on doit payer des charges sur ce salarié. Voilà. Aujourd'hui, on a une exonération de charges qui s'applique à tous les employeurs à La Réunion, que ce soit dans le BTP ou ailleurs, l'exonération Lodéum. Voilà, elle s'applique. Après, Monsieur de Bailliencourt évoquait le CIE. Donc, c'est une aide qui est proposée par Pôle emploi sur des contrats de 6 mois minimum, mais qui colle très mal au contrat saisonnier. Voilà. Qui, pour moi, n'est pas applicable en l'état au contrat saisonnier. On a parlé du nouveau CUI-CE, contrat unique d'insertion, contrat initiative emploi. Ça, c'est ça qui est adapté le plus, Frédéric de Bailliencourt. Oh bah là, c'est plutôt mon collègue, je pense, qui pourrait... Oui, je vais vous répondre clairement. Pour moi, non, ce n'est pas adapté. Pourquoi? Parce que d'ores et déjà, le CIE, contrat CIE, il vous faut une embauche de 6 mois. Donc déjà, il faut que vous preniez un coupeur sur 6 mois. Alors, en général, on est entre 5 et 6 mois. Donc admettons qu'on arrive sur 6 mois. Si on arrive sur 6 mois, l'aide proposée n'est que sur 3 mois. Bon, admettons. Une fois qu'on a cette aide-là, il s'agit d'une aide de 600 et quelques euros par mois, mais pour un temps plein. Or, les coupeurs ne sont pas embauchés à temps plein. Ce sont des salariés saisonniers. Ils sont payés à l'heure. Donc, c'est là où on a un problème, on a un vrai problème de dialogue avec Pôle emploi à ce niveau-là. Quoi. Oui. Si je peux rajouter juste un élément par rapport à tout ce qui vient d'être dit, sur les avantages de l'embauche, on a quand même, c'est sûr qu'en termes économiques, il y a différents éléments à considérer. Maintenant, ça apporte quand même quelque chose en termes de sécurisation de l'emploi. Hein, on voit un terme au contrat, on le définit ensemble, hein, de sécurisation à tout niveau, hein, y compris au niveau des conditions de travail, puisque c'est déclaré notamment auprès des services de la CGSS. Hein, il faut quand même pas oublier cet aspect-là. Merci. Sécurité sociale, qui est quand même important. Voilà, donc je pense que vous avez fait un panorama global en introduction. Ce besoin de coupeurs, il vient de quoi de plus en plus? C'est vrai qu'on a eu une campagne l'année dernière qui était quand même un tonnage fort important, 1 896 000, quasiment 1 900 000. On a frôlé le 1 900 000, oui, effectivement. Voilà, on peut dire qu'on y était quasiment. Donc le problème, c'est d'autant plus... Voilà, avec en fait deux composantes au problème. Je pense que mon collègue des jeunes agriculteurs ne me contredira pas. C'est déjà une population donc de coupeurs, donc je pense que vous avez évoqué le nombre, qui est un peu vieillissante et néanmoins expérimentée. Donc on a du mal à les remplacer par des coupeurs qui font un rendement et qui sont quand même rodés. Et deuxième chose aussi à considérer, donc outre toutes les considérations qu'on a dites sur le travail et la tâche et les charges à payer, c'est aussi l'évolution des besoins des exploitants. Je ne sais pas si vous avez parlé mécanisation. Pas encore. C'est quand même un élément. On vous attendait. Il y a notamment de plus en plus de planteurs qui ont recours à ce qu'on appelle la coupeuse pays, c'est-à-dire une coupeuse qui permet de tronçonner la canne à sa base et dont on équipe une mini-pelle qui peut, la mini-pelle à la fois tronçonne la canne avec un système de scie et ramasse les cannes mécaniquement. Donc on fait en sorte d'aligner les cannes pour qu'ensuite elles puissent être chargées correctement. Donc ça suppose quelqu'un qui conduit la machine. Voilà. Et c'est tout. C'est pour ça que je parlais d'évolution des besoins. Alors bien entendu, on a toujours besoin de coupeurs, hein, évidemment. Mais disons que... Oui, pour les terrains qui ne peuvent pas être mécanisés, c'est ça? Notamment, ou pour les gens qui, pour le moment, n'ont pas eu accès à cette mécanisation. Alors, il y a beaucoup de sujets évoqués pêle-mêle. Le problème de la relève, Fabrice Fontaine, vous qui êtes vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs, c'est difficile de trouver des jeunes. C'est vrai que ce sont des anciens. Oui, l'aide d'aujourd'hui, on a quand même pas mal de candidats à l'installation, sauf que on revient sur le problème du foncier. Et on s'aperçoit à l'heure d'aujourd'hui que de plus en plus de dossiers d'installation vont sur la diversification par rapport au problème de la canne, du problème de main-d'œuvre. Et Aujourd'hui, les jeunes qui s'installent partent tous sur des projets de mécanisation avec de gros investissements en amélioration foncière. Tout est prévu pour que d'ici, dans les années à venir, que s'il y a un manque de main-d'œuvre, nous, au niveau des jeunes, on soit prêts à continuer à récolter mécaniquement. D'accord. Il y a des aides pour parvenir à avoir du matériel pour traiter la canne de façon mécanique ? Oui, il y a certaines aides au niveau du FEADER, il y a des aides pour... Le FEADER, c'est le fonds européen, oui, c'est ça ? Pour les investissements, alors, investissements au niveau des exploitations. Les renseignements sont à prendre auprès de la Chambre d'agriculture, j'imagine ? Au Polcan. Polcan, Beaufont, Bois-Rouge, un peu... Tous les Polcan de l'île, en fait. Et c'est pas dans la culture de la Réunion, au départ, de mécaniser ? Est-ce que ça va venir petit à petit ? Mais c'est encore un peu difficile parce que c'est faut changer les mentalités. Changer les mentalités parce que il faut être préparé à voir la récolte mécanique. C'est quoi la crainte ? Pourquoi Ben la principale crainte, c'est la perte de revenus en termes de richesse. Hein. C'est aujourd'hui avec la coupeuse mécanique, qu'elle soit tronçonnée au pays, c'est la perte en rendement, c'est sur l'analyse en fait. Quand on va livrer les cannes à la balance, c'est que l'échantillonnage, on a une perte de rendement. Comment expliquer qu'une canne coupée mécaniquement plutôt que manuellement, elle est moins de richesse ? Le process est beaucoup plus difficile avec la coupeuse mécanique de nettoyer. Ce que fera la machine sera, ce que fait la main de l'homme sera difficilement remplaçable par la machine. Je veux dire, il y a toujours des remontées de paille. Ça, en termes de qualité, ce sera pas la même. Coupeur de canne, pourquoi se déclarer ? C'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Le standard est ouvert 02 62 99 2000 ou bien 06 92 608 335 pour vos textos. C'est Gilbert de Sainte-Anne qui nous envoie ce SMS. Le reste de l'année, que font les planteurs ? Ils ne peuvent pas donner du travail aux coupeurs sous d'autres formes ? Point d'interrogation. Est-ce que ça c'est quelque chose d'envisageable, Jean-Christophe Zéphirin ? Alors oui, c'est quelque chose d'envisageable. J'en parlais ce matin en formation avec des planteurs justement. Parce que, vous savez, la canne à sucre, donc on est dans le domaine agricole, on est sur du saisonnier, et il n'y a pas que la coupe de canne à faire dans le domaine de la canne. Il y a des travaux d'entretien, il y a des travaux de dépaillage. Donc oui, on pourrait effectivement donner du travail qui restera saisonnier à des coupeurs en dehors de la période de coupe. Mais là, on tombe sur des impératifs de trésorerie, de budget pour les agriculteurs. Et je pense que Monsieur Fontaine le confirmera, ça peut être un peu difficile à supporter en dehors de la période de coupe. Fabrice Fontaine, sur cette question de l'emploi toute l'année finalement de ces coupeurs de canne, est-ce qu'il y aurait d'autres tâches à leur confier ? Il y aurait d'autres tâches, parce que nous, en termes de projets agricoles, on aurait d'autres projets, on pourrait se diversifier, mais aujourd'hui, on est un petit peu freiné par ce manque de main-d'œuvre qualifiée, comme je dis. Aujourd'hui, on n'a pas une vision d'ensemble à l'heure d'aujourd'hui, parce que, je voudrais revenir sur tout à l'heure ce qu'on disait, c'est que les avantages de déclarer le coupeur de canne, c'est que il y a un avantage pour nous, c'est que nous on peut quand même justifier nos dépenses. Je veux dire, quand l'agriculteur il emploie quelqu'un au noir, c'est de l'argent prélevé sur son compte qu'il doit rendre compte au niveau fiscal. Je veux dire, il est taxé quand même, qu'il soit taxé sur un contrat ou qu'il soit taxé au niveau de ses revenus, il est taxé. Donc l'agriculteur aujourd'hui, il a tout intérêt à déclarer son coupeur de canne ou toute sa main d'œuvre. Certains agriculteurs voient juste qu'ils ne paient pas de charges, que bon, c'est dans un premier temps, ça peut être plus intéressant, mais c'est risqué évidemment. Oui, c'est une vision de se dire on va pas payer de charges, etc. Mais d'un point de vue sécurité juridique, il y a vraiment un gros danger de pratiquer le travail dissimulé. Et l'avantage, pour compléter ce que dit Monsieur Fontaine, il n'est pas que pour l'agriculteur, il est aussi pour le salarié, parce que on est dans un cercle vicieux. Les coupeurs disent on veut pas trop on voudrait conserver nos minima sociaux, on a peur de les perdre, donc on veut pas être déclaré. Bon, ils le disent pas tous, mais c'est le discours qui revient. Il faut savoir que en étant déclaré, en ayant un salaire, le coupeur va cotiser au chômage, il va cotiser pour sa retraite. Donc il y a beaucoup d'avantages pour lui à se faire déclarer également. Frédéric de Bailliencourt, vous vouliez réagir également. Oui, alors sur ce que peut faire Monsieur Fontaine, me complétera éventuellement le salarié en intercampagne. Bon, je pense qu'il y a toutes les tâches de désherbage, d'apport d'engrais, alors dépaillage pour ceux qui épaillent encore manuellement, c'est-à-dire justement de retirer les pailles pour ceux qui le font encore. Donc le profit des exploitants est différent selon ces tâches. Après, faut pas oublier les gens qui font de la diversification, hein, parce qu'on parle beaucoup de canne à sucre. Donc certains employeurs canniers font de la diversification. On l'estime à plus de 10% des surfaces aujourd'hui, avec du maraîchage, que ce soit sous serre en plein champ, des fruits. Hein, donc pourquoi pas, pour ceux qui en ont la possibilité, c'est pas tout le monde certes, compléter l'embauche en fonction des besoins sur ces autres ateliers. Alors par rapport à ce qu'a dit Monsieur Fontaine, on n'a toujours pas de main-d'œuvre, donc on voit bien que le problème reste entier. Et vous m'arrêtez si vous avez déjà abordé le sujet, mais c'est bien pour cela que depuis fin 2015, donc nous avons réuni ce qu'on appelle le comité de pilotage, j'en bafouille, emploi agricole. Alors bien entendu, l'emploi agricole, c'est un sujet qu'on voit revenir chaque année à chaque campagne de Cannes. Et il y a eu des actions avant 2015, hein, du département notamment, de la Chambre d'agriculture, des différents partenaires. Ce comité de pilotage, il se réunit pour mieux coordonner les efforts. Voilà, pour résumer, il est sous la présidence de la préfecture de La Réunion qui suit particulièrement ce dossier. Hein, et donc les syndicats nous ont un peu plus interpellés lors de la précédente campagne vu les tonnages importants. Et nous avons réuni, je crois, trois fois déjà ce comité. Qui est-ce qui est dedans? Les services de l'État, la Chambre d'agriculture, Pôle emploi, CAF, CGSS. Et ça permet vraiment d'avoir une synergie, y compris au niveau de réunions organisées sur le terrain où tout le monde est là, et où, par exemple, l'employeur vient rencontrer Pôle emploi, puis la CAF, puis la CGSS, se faire conseiller par la Chambre, et au bout du compte, on a vu l'exemple la semaine dernière, repartir avec deux profils d'embauche qu'il ne connaissait pas, et avec toutes les informations. Voilà, donc c'est une réponse qu'on peut donner au problème posé par Monsieur Fontaine. Il y en a encore certainement d'autres, mais procédons progressivement. Et ça a un lien avec les carrefours de l'emploi agricole qui ont été organisés dernièrement ? Jean-Christophe Zépir. Juste, si je peux répondre plus précisément à la question de l'auditeur précédent, enfin de l'auditeur, de la personne qui a posé la question, il existe aussi une solution, parce que c'est vraiment le travail saisonnier qui ne dure que 6 mois dans l'année, et le reste du temps de l'année, finalement, il y a peu ou pas de travail dans les champs. Une solution légale existe, c'est une piste de réflexion, encore une fois, parler des groupements d'employeurs. Alors, un groupement d'employeurs, qu'est-ce que c'est? C'est une association qui est fondée par plusieurs agriculteurs. Cette association va embaucher des salariés et ces salariés vont être mis à disposition des agriculteurs du groupement. On pourrait facilement imaginer qu'on pourrait avoir des employeurs qui travaillent dans la canne, d'autres dans l'ananas par exemple, d'autres dans l'élevage, etc. Bon, ce sont des suppositions. Et à ce moment-là, pouvoir faire travailler un salarié 6 mois ici, 2 mois là-bas. Et dans différents secteurs. Tout à fait, dans différents secteurs. Et à ce moment-là, arriver à pérenniser, à fidéliser un salarié et à créer un emploi à temps plein. Voilà. On a un texto 06 92 608 335 de Lucie qui nous dit des jeunes travailleurs saisonniers pourraient effectuer ce travail comme ça se fait avec les vendanges de l'Hexagone, mais couper la canne est sûrement beaucoup plus pénible que les vendanges. Et elle pose la question, Lucie, couper la canne est-il dégradant pour la société réunionnaise? C'est vrai qu'on a une image très positive des vendanges en métropole, c'est plutôt valorisant, les jeunes qui font ça, c'est encourageant, c'est une première expérience souvent de terrain pour eux. Ici, c'est différent. Non, moi, je ne vois pas le métier de coupeur de canne comme dévalorisant. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis pour les jeunes. Oui, pour les parce jeunes. Que là, vous vous dites que vous avez du mal à trouver des jeunes, finalement. Oui, on a de moins en moins de jeunes qui veulent couper. Moi-même, je coupe mes cannes. Ça ne me dévalorise pas plus qu'un autre. Hein. Je veux dire, mais à l'heure d'aujourd'hui, il faudrait, comme elle a dit, réadapter les contrats au niveau, comme le fait pour les contrats vendanges. Hein. Et puis, mais... C'est pas les mêmes contrats, c'est pas les... Parce que ça correspond à un travail saisonnier de la même façon. Je pourrais pas vous répondre sur le... Je pourrais vous le dire, par contre, c'est pour les contrats saisonniers qui sont faits en métropole, les contrats vendanges, ce sont des contrats saisonniers classiques. Voilà. Il peut y avoir, dans certaines régions, une sorte de prime d'objectif en fonction du travail fourni par le salarié, mais ce sont des contrats saisonniers classiques qui sont similaires à ceux qu'on fait dans la Canne à La Réunion. Oui, Frédéric Debaille encore. Je pense qu'il est important de rappeler, en réponse à la question d'auditrice, hein, que la Coupe de la Canne et la Canne à La Réunion, alors la Coupe de la Canne c'est un vieux métier, hein, qu'ont pratiqué nos ancêtres et nos ancêtres et nos ancêtres. Hein, c'est une culture qui existe depuis très longtemps, avec auparavant beaucoup plus d'usines, une organisation qui était autre, hein, mais qui subsiste encore aujourd'hui. Alors certes, c'est un métier difficile, et c'est peut-être ça le point sensible, hein, difficile physiquement, on ne le cache pas, c'est une réalité. Maintenant, c'est encore un beau métier, avec une filière quand même porteuse à La Réunion, moi je voudrais le rappeler. Hein, c'est la première filière agricole de La Réunion, avec quand même, puisqu'on parle en termes d'emploi, tout métier confondu, que ce soit usinier, planteur et autres, à peu près 12 300 emplois générés. Hein, bon, rien que rappeler ces éléments, ça peut quand même aussi donner du positif, et en sachant que voilà, c'est un métier ancestral et qui est amené à se poursuivre. Qu'est-ce que vous dites, Fabrice Fontaine, à donc au coupeur de canne qui nous écouterait et qui dirait « je suis toujours pas convaincu ». Qu'est-ce qui doit les convaincre définitivement de se faire déclarer ? Mais c'est la question que je me pose moi-même aujourd'hui en tant qu'employeur potentiel. Il n'y a pas foule devant mon exploitation de jeunes ou de moins jeunes qui veulent venir couper des cannes de façon déclarée. Hein. Et pourtant, c'est pas faute de demandeurs d'emploi à La Réunion. C'est pas faute de demandeurs d'emploi, c'est peut-être pas la bonne méthode de cibler les coupeurs de cannes. Ils sont peut-être moins pas assez informés. Après, je ne vais pas renvoyer la responsabilité à qui que ce soit, mais je veux dire, c'est pas à moi, agriculteur, d'aller convaincre un demandeur d'emploi de se faire déclarer. C'est à qui ? Ah ben, je me pose la question. Donc, c'est peut-être au comité de pilotage emploi agricole, justement. Hein, c'est pas au comité de pilotage emploi agricole. Aux différents partenaires. Voilà. Il y a tout un travail d'information qui est mené auprès des salariés agricoles, des futurs salariés agricoles, sur leurs possibilités. Parce que, effectivement, on critique souvent, on dit qu'on est dans un système aujourd'hui, que le salarié va préférer toucher son RSA plutôt que d'aller travailler dans la canne. C'est ce qu'on entend souvent. C'est ce qu'on entend souvent. Alors, le système, il est ce qu'il est, et il va de plus en plus vers le cumul de ces aides. C'est-à-dire que la personne qui va toucher le RSA pendant 3 mois, pendant les 3 premiers mois de sa déclaration, elle va pouvoir cumuler son RSA et son salaire. Mais après, ça va s'arrêter. C'est pas que ça va s'arrêter. C'est là où il faut nuancer, c'est que ces droits vont être recalculés par la CAF. Voilà. Et pareil pour la personne qui bénéficie des ARE, elle va pouvoir cumuler ses aides au retour à l'emploi et son salaire actuel. Voilà. Alors, sur l'information des personnes, que ce soit les demandeurs ou les employeurs, donc une des actions envisagées par les différents partenaires, c'est notamment la mise à jour régulière, et encore cette année, d'un petit flyer. D'un côté, il y a salarié agricole, tout ce qu'il doit savoir. De l'autre côté, il y a employeur agricole, tout ce qu'il a à savoir. Donc ce flyer existe depuis quelques années, mais il a été quand même bien remis à jour en 2016. Et non seulement envoyé à un certain nombre d'employeurs canniers par courrier récemment, et également diffusé aux demandeurs lors de toutes les rencontres possibles dans les pôles emploi. Justement, vous parliez des carrefours de l'emploi agricole, donc également lors de ces carrefours et autres. Donc il y a de la diffusion d'informations par ce biais. Merci à tous les trois d'être venus parler de la Coupe Canne, des coupeurs qui sont difficiles à trouver, on l'a bien compris, mais des dispositifs qui existent pour les protéger. Jean-Christophe Zéphir, chef de projet emploi et juriste à la Chambre d'agriculture. Fabrice Fontaine, vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Et puis on avait également avec nous Frédéric de Bayancourt, chargé de la filière Canne à la DAF, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Dernier, c'est dans l'actu de la saison. Demain, on parlera du revenu de base pour tous, une somme d'argent que toucheraient tous les citoyens dès la naissance jusqu'à leur décès et quelle que soit leur situation. Il y a les pour, les contre, ils auront la parole demain et vous aussi comme d'habitude. Première. Poussez les portes du conservatoire à rayonnement régional. Elles vous seront ouvertes du 20 au 25 juin à Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre. Vous y découvrirez les nouveautés de la rentrée, la danse africaine et afro-cubaine dès 11 ans et redécouvrirez les danses traditionnelles de La Réunion, Maloya, Séga, Quadrille.

t'es chaud, à l'aise. Ça grouille de sister dans le collimateur des chasseurs. T'as du mal à danser comme Sean Paul. Si t'es raide, vas-y, joue des épaules. Remplis ton verre, trinque, vas-y, c'est mets la dedans. Nouvelle ère. 5, tout ce qu'il faut pour te plaire. Y'a des belles gosses, y'a des beaux gosses en force. Oh, c'est dans la joie que tu vas swinguer. Hey, t'en fais pas, on va se marrer. C'est la nouvelle danse, c'est la grande classe. Prends place, personne te remplace. Pas rien, une belle go, y'a pas photo. On a la puissance, on voit la sono. C'est magie, y'a pas le feu, y'a pas le drap. Si tu manges pas de suite, ça va être froid. Rajoute une coupe, man, t'écoutes et fais comme chez toi, gars. Découpe, DJ, perds pas une seconde en DJ. Faut que tu lâches la bombe, c'est yes. Yes, papa. La foule te presse, j'ai déjà. Y'a faux, lâche ton dernier pas de danse. Si tu glisses, t'as vraiment pas de chance. Eh hey, mon Kobe, toutes les fans dans cette boîte là s'appellent Laisse-moi tranquille, eh hey, mon tuyau. Jaune, bleu, le ciel, on s'en fout. Ça c'est cadeau pour vous, j'ai les jambes. Aïe. La go, remis ton appel. Tiens ça. Yeah, hey, la petite, bouge ton bon chop. Fais pas trembler. À La Réunion, voici France Info. Bonne fin de matinée à l'écoute de France Info, 11h01, le journal Agnès Soubiran. Bonjour Agnès. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bernard Cazeneuve doit recevoir dans les prochaines minutes les leaders de la CGT et de Force Ouvrière alors que la préfecture de police de Paris a interdit ce matin la manifestation contre la loi travail prévue demain. Certaines voix s'élèvent pour dénoncer une décision politique inadmissible. Nous allons faire le point dès le début de ce journal. À suivre également la journée du don d'organes avec un mot d'ordre. En parler avant avec ses proches, c'est toujours mieux. Le début des soldes d'été alors que le soleil est de retour. La dernière journée de campagne outre-Manche avant le référendum sur le Brexit. Et puis les sorties cinéma du mercredi avec l'affaire Kerviel portée sur grand écran. Et il fait chaud, trop chaud dans le nord et l'ouest. 13 départements en vigilance orange à cause du risque d'orage. Ailleurs, du soleil, vous le disiez. Les détails avec Céline Dacosta dans 10 minutes. France Info. Agnès Soubiran. Y aura-t-il une manifestation demain contre la loi travail ? Le bras de fer se poursuit ce matin. Un peu avant 9h, la préfecture de police de Paris a donc annoncé l'interdiction de la manifestation. Aucun des deux itinéraires proposés par l'intersyndicale n'étant jugé suffisamment sûr par les forces de l'ordre. Ce refus est une décision politique et une faute historique, ont aussitôt réagi le Front de Gauche et les Frondeurs. Éric Coquerel est le coordinateur du Parti de Gauche. C'est une décision éminemment politique et extrêmement grave. C'est un pas de plus, je dirais, dans la droitisation de ce gouvernement. On a eu l'état d'urgence appliqué aux mobilisations sociales. On a le 49-3 parce qu'ils n'ont pas de légitimité à l'Assemblée. On a le fait aussi d'utiliser de manière forte la répression et je dirais de manipuler l'opinion comme il l'a été fait après le 14 juin. Et puis maintenant, on interdit les manifestations syndicales. C'est une première depuis le début de la 5e République. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, pour nous, ils ont changé d'avis depuis plusieurs jours. Il reste 24 heures. On les appelle à reprendre raison. C'est une véritable provocation par rapport, je le rappelle, à 7 organisations syndicales, dont 3 confédérations syndicales sur 5. Ce gouvernement est de moins en moins démocratique et il fait de plus en plus de mal au pays. Éric Coquerel, coordinateur du Parti de gauche. La CFDT condamne également cette interdiction, tout en jugeant indispensable de trouver les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, doit donc recevoir à leur demande ce matin Philippe Martinez et Jean-Claude Mailly. Cette décision est-elle politique et surtout, qui l'a prise? Nous allons voir cela avec vous, Louise Baudet. Vous êtes en direct de l'Élysée. Effectivement, l'Élysée, où Bernard Cazeneuve vient de quitter le Conseil des ministres pour rejoindre, vous l'avez dit, les leaders CGT et Force ouvrière au ministère de l'Intérieur, de l'autre côté de la rue. Alors, entre la place Beauvau et l'Élysée, vous le savez, il y a quelques mètres seulement, mais aussi une communication quelque peu défaillante. Qui a décidé de cette interdiction? Pas le président, assure pour l'instant l'Élysée. Il n'est pas en charge de l'ordre public et des manifestations. Ce n'est pas lui qui a pris la décision. Alors, au ministère de l'Intérieur, on assure au contraire que le sommet de l'État a bien évidemment donné son aval. Vous n'imaginez pas Bernard Cazeneuve décider ça sur un coin de table avec le préfet de police, nous dit-on. De fait, interdire une manifestation syndicale, c'est du jamais vu depuis 1958. C'est très lourd. C'est motivé, assure la préfecture, par la difficulté de maintenir l'ordre public et la sursollicitation des forces de l'ordre. On attend maintenant, bien sûr, les arguments du porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Arguments venant expliquer cette décision risquée sur le plan de l'ordre public, car on le sait, ce n'est pas parce qu'une manifestation est interdite qu'elle n'a pas lieu, et l'interdiction pourrait se montrer contre-productive. Et puis surtout, le risque est politique. On vient de l'entendre, le président du dialogue social qui, après le 49-3, interdit une manifestation. Voilà qui fait hurler à gauche. Merci Louise Baudet en direct de l'Élysée. Citons deux autres réactions politiques. Celle de Marine Le Pen qui dénonce une atteinte grave à la démocratie. De son côté, François Fillon, candidat Les Républicains à la primaire, se félicite de cette interdiction. L'addition est salée. Les 23 jours de grève à la SNCF ont coûté au moins 250 millions d'euros à l'entreprise. C'est ce qu'annonce ce matin Guillaume Pépi. En parler avant pour savoir quoi faire le jour J, ce 22 juin. C'est la 16e journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. Savez-vous que depuis 40 ans, c'est la notion de consentement présumé qui prévaut? Si le défunt n'a pas expressément refusé de donner ses organes, on peut considérer qu'il est consentant. Dans les faits, les familles s'y refusent souvent car le moment est trop douloureux. Résultat, 21 000 personnes sont aujourd'hui en attente de greffe en France. L'agence de biomédecine veut donc que les Français s'approprient ce sujet et en parlent en famille pour ne pas être pris de court si un événement dramatique survient, comme c'est arrivé il y a 5 ans à Sophie, la maman d'Emmanuel, que Véronique Julia a rencontrée. Emmanuel est mort le 25 juin 2011. Il roulait à moto, un tracteur lui a barré la route, il avait 18 ans. Aujourd'hui, 3 personnes vivent avec ses organes. Et pour sa mère Sophie, ce don a rendu un peu de sens à cette perte insoutenable. On a prélevé ses deux poumons, les deux reins et le cœur et le foie. Ça permet à des gens d'avoir un présent meilleur. Il vit à travers ces personnes-là et moi, ça me fait plaisir. Sa mort est moins inutile. Par le plus grand des hasards, Emmanuel et sa mère avaient parlé du don d'organes 2 jours avant sa mort en regardant un reportage à la télévision. Emmanuel avait dit qu'il était pour, ça a facilité la décision de Sophie quand la question a dû se poser. Sa décision, elle était prise. Il était majeur, donc notre devoir, c'était de respecter ce choix. Pour pouvoir donner cette réponse, je pense qu'il faut y avoir réfléchi. On n'aborde pas suffisamment le sujet en amont. C'est toujours difficile de parler de la mort. Quand je l'ai vu après le prélèvement d'organes, je le trouvais aussi beau. Ça n'a rien changé à l'aspect qu'il avait. Pour moi, c'est une évidence. On ne sert à rien dans un cimetière. Sophie ne sait rien des receveurs de son fils, sinon que l'un d'entre eux était jeune, plus jeune qu'Emmanuel. Aujourd'hui, dit-elle, j'espère simplement qu'ils sont en bonne santé et que ce sont des gens bien. Taxer plus les boissons sucrées et moins les produits de base, c'est l'un des axes préconisés par la mission parlementaire sur la fiscalité des produits alimentaires. Fiscalité qui rapporte chaque année près de 5 milliards d'euros à l'État. Mais les députés estiment que le système est vieillissant et complexe. Moins 30 30, moins 40, moins 50%. C'est le début des soldes d'été aujourd'hui et vous avez jusqu'au 2 août pour en profiter. Il est 11h07 sur France Info, dernières heures de campagne en Grande-Bretagne à la veille du référendum, avec la mobilisation de quelques 1300 dirigeants d'entreprises qui, dans une tribune publiée par le Times, plaident pour le maintien dans l'Union. Les journaux aussi prennent parti d'ailleurs, le Times pour le maintien dans l'Union, quand le Sun est favorable au Brexit. Et puis 6000 personnes ont assisté hier à un débat à la Wembley Arena. Trois partisans du in face à trois partisans du out. Et en vedette, l'ancien et l'actuel maire de Londres. Reportage de Franck Mathevon. Ils sont 6 sur scène, mais l'ancien et l'actuel maire de Londres prennent beaucoup d'espace. Nous avons assez entendu le projet de la peur, lance Boris Johnson, son slogan favori pour dénoncer l'alarmisme du camp du in en cas de Brexit. Votre campagne, ce n'est pas le projet de la peur, lui répond Sadiq Khan, c'est le projet de la haine sur l'immigration. Allusion aux nombreux messages anti-immigration qui ont dopé le vote eurosceptique ces dernières semaines. Khan brandit un tract pro-Brexit, laissant croire que la Turquie va bientôt rejoindre l'UE. C'est faux, Boris, vous devriez avoir honte. À ses côtés, la chef des conservateurs écossais, Ruth Davidson, pro-UE, très offensive, répète que le camp du Leave n'a pas de plan. Sur la sécurité, par exemple, vous méritez la vérité, dit-elle aux électeurs. Les deux camps recueillent des applaudissements, mais après tirage au sort, le mot de la fin sera pour Boris Johnson. Si nous votons Leave, je pense que ce jeudi sera notre jour d'indépendance. Londres, Franck Mathevon, France Info. Et puis à suivre les matchs du jour de l'Euro 2016, deux rencontres à 18h, Hongrie-Portugal à Lyon et Islande-Autriche au Stade de France. Et puis à 21h, Italie-Irlande à Lille et Suède-Belgique à Nice. Tout ça bien sûr, Marie, sur France Info. Et pour l'instant, il est 11h09. Merci Agnès Soubiran. L'info revient à 14h. 9 sur Réunion Première, un coup d'œil sur la météo. Une bande nuageuse s'attarde sur l'est de la Réunion cet après-midi sans donner de pluie. Ailleurs, c'est du beau temps, du soleil et les températures grimpent cet après-midi. Mais n'oublions pas la grande fraîcheur de ce matin. Cet après-midi, des nuages qui se développent sur le relief, mais ces nuages resteront discrets.